Book 2 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن واحد subordonné avec que un subordonné avec que un. ربما سيتحسن الطقس غدا. Le temps sera probablement meilleur demain. Le temps sera probablement meilleur demain. كيف عرفت هذا؟ D'où le savez-vous? D'où le savez-vous? أأمل أنه سيتحسن. J'espère qu'il sera meilleur. J'espère qu'il sera meilleur. سيأتي بكل تأكيد. Il viendra certainement. Il viendra certainement. هل هذا أكيد؟ Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est sûr? أعلم أنه سيأتي. Je sais qu'il viendra. Je sais qu'il viendra. سيتصل بالتأكيد. Il appellera certainement. Il appellera certainement. حقا؟ Vraiment? Vraiment? أعتقد أنه سيتصل. Je crois qu'il appellera. Je crois qu'il appellera. النبيت عتيق مؤكدا. Le vin est probablement vieux. Le vin est probablement vieux. أتعرف ذلك بالضبط؟ Êtes-vous certain? En êtes-vous certain? أظن أنه عتيق. Je suppose qu'il est vieux. Je suppose qu'il est vieux. مديرنا يبدو حسن المظهر. Notre chef est beau. Notre chef est beau. أترى هكذا؟ Vous trouvez? Vous trouvez? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Je trouve même qu'il est très beau. Je trouve même qu'il est très beau. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Le chef a certainement une amie. Le chef a certainement une amie. أتعتقد ذلك حقا؟ Le croyez-vous vraiment? Le croyez-vous vraiment? إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. C'est bien possible qu'il ait une amie. C'est bien possible qu'il ait une amie.